Je vous ai fait peur, hein. Amy Bonaparte, c'est trop de la déconne dans ta radio. The evening breeze caressed the trees tenderly. Et oui, encore eu. Amy Bonaparte, c'est décidément de la bien trop grosse déconne pour tes petites oreilles humides. Tenderly.